Ok, on vient pour braquer les putes, TDS. Futur proche. Je suis toujours le même et c'est la même rengaine. NASA, oui, je n'ai pas tiré profit du négatif. Et ceux qui le pensent n'auront pas de positif en récompense. Je fais ce que j'aime, créer Obi-Wan comme si la musique était dans mes gènes. Faut pas que je me gêne, vu qu'on marche sur les pieds. Trouver mon oxygène, trouer les chaînes, casser les chaînes. Rester doué à m'adouer, dire à la tienne. Benek, je ne veux pas du showbiz, je suis pas là pour me faire la bise. Voilà venu le temps de l'inconnu qui s'exprime dans les temps. Pas comme ces trous du cul qui accumulent les lacunes, une après une. Et veulent se voir demain à la une. Beaucoup ont cru qu'on était coulé alors que j'étais en train de ramer. Projecté, m'ont rendu sourd aux conneries. Ils voulaient me voir muet derrière le chromie. Mais trop précoce depuis le premier micro. Voilà mon crew, voilà mon studio. Voilà Keiko m'appelle, veut qu'on les braque. On passe à Nag, donc j'échauffe mes semelles. Mes amis micros, comme un opinel. J'aime que les putes s'abstiennent. Sont trop de sup, ouais, j'suis pas des gens criminels. Mais c'est pas la peine d'appeler mon nom si tu fais partie du système. C'est que je n'aime pas trop les hypocrites. Le R et le O, on ne vient pas les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres. J'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. Viens pour braquer les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres. J'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. J'prêche la violence, pour battre la méthode zar. Quand je braque, j'me taille, j'reviens. Et tous les jours, ça recommence. J'braque la France, car la banlieue c'est bordel. En toute évidence, souvent mortel. Suis mon modèle, moi j'ai trouvé la faille. On se crée braque, que pute des pailles. Tous les keufs qui font des bails. La vie est une bataille où y'a que des galères, tous les jours je pleure. Aïe, même si j'en ai pas l'air, c'est pas du mytho. Je pleure alors, je monte dans le rito. Je braque aussitôt et Gecko, tu le reverras pas de sitôt. Au micro, je balance un chécro pour les boucaves. Mais crache, braque, je chécrape, puis je me lâche. La vie est grave, prédestinée au bas salaire. Oui, des mots exprimant ma rage, je vais faire un best-seller. Ça y est, c'est l'heure. Moi, ma vie, je vais l'embellir. Mais c'est relou de voir qu'un inverse des ch'tards veulent la détruire. Viens pour braquer les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes pour brasser des barres, j'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. Viens pour braquer les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres, j'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. T'as mon dieu, ouais j'pouteau ça va être dur. Connard j'ai pas de bon sauf pour te mettre à la mort. Je vois les skins à la mort, mais c'est pas la mode. Et tu biffes à la mort, j'ai aucun remords. Juste quelques regrets d'avoir quitté l'idée pour la thune. Et les regrets d'avoir quitté le bol pour la merde et la galère. Mais j'suis un mec ambitieux même si j'en ai pas l'air. Mon frère, je veux que mon rap ramène du chiffre, pas du shit. Sur les putes je chie, pas chichi. Donc j'arrache les sacs de chiche. Quand les faux débarquent, j'tape des barres, j'trace des barres. Car j'ai pris un bon départ, gros j'suis barre. Et toi t'es mort, au fait t'as ma parole. Jamais je donnerai mon cul et puis dis à la rum de tenir le coup, pas prêt de freiner ma course. Même dans les virages, la rage sur le terrain comme Patrick Vieira. Nous avons braqué les putes, fracassé les stupes. Traqué tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres. J'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. Viens pour braquer les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres. J'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. Hey Gecko, j'ai les gros, donc laisse-moi casser la croûte. Au micro, on est des bouts qui veulent casser la porte. Futur proche des DS, on a la classe et la cote. Tu veux test, on te casse tes côtes. Yeah, t'as compris le thème, t'as compris le truc. On accomplit le plan pour viser le but. On vient braquer toutes ces putes de A à Z. Avec Hero, Gecko, Marc US et Gwenzel. Métis y arrive et dépose son grain de sel. Les bâtards, on les boum comme un Splinter Cell. Ou bien comme un Counter Strike. Le gun, c'est mon mic et je joue ton style. J'emmerde tous ceux qui parlent dans mon dos. Mon rap n'est pas démodé, c'est plutôt un modèle. New school et moderne, on prône la paix. Mais la vie nous fait la guerre. Viens pour braquer les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres. J'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. Viens pour braquer les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres. J'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. Viens pour braquer les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres. J'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard. Viens pour braquer les putes, fracasser les stupes. Traquer tous les bouts qui craquent dans leur fut. Jamais Dieu pour mes halles, pour brasser des barres. J'dis oups, zut, quand je pute un ch'tard.